sur l'anti-homme et son rôle par rapport à l'ego et son rôle dans le corps. Qu'est-ce que l'anti-homme? Ouais, c'est ça, oui, cassette numéro quoi? Bon, l'anti-homme, évidemment, le terme le dit lui-même, c'est quelque chose qui est anti-homme. C'est comme le ventilateur qu'on entend là. L'anti-homme, c'est la femme. Bon. L'anti-homme, c'est une structure qui fait partie de l'ego, qui s'incarne lorsqu'il y a fécondation, c'est-à-dire simplement que c'est une partie de l'ego du père qui se véhicule par le spermatozoïde jusqu'à l'ego de la mère, qui génétiquement sont codifiés dans le l'ovule, dans leur code génétique. Et additionné à cela, il y aura la mémoire réincarnationnelle de toutes les entités, de toutes les mémoires événementielles et mémoires humaines qui comblent le monde de la mort, qui vont s'immiscer à l'intérieur de la conscience astrale de l'homme, de la conscience amique de l'homme et de la femme, ça va de soi. L'anti-homme est créé par le véhicule spermatozoïdal et ovulaire. Par la suite, il y a incarnation de mémoires fœtales qui font partie de ce que j'appelle l'homme, donc la femme, la partie évolutive, la partie qui mémoriellement accepte les choses neuves. Jusqu'à la naissance, il y aura incarnation ou réincarnation de mémoire homme, sauf que la mère va énormément injecter des phénomènes anti-homme à l'intérieur du fœtus par le fait qu'elle exprime énormément d'émotions tout à fait anti-homme, anti-humaine, anti-évolutive, et que ce système émotif s'exprime par le biais des voies endocriniennes, donc il y a sécrétion d'hormones dans le sang et que le sang nourrit le fœtus. Cela donne l'expérience émotive de la mère au bébé, au fœtus, et cela va aussi grossir sa partie anti-homme. Lorsque l'enfant vient au monde, il est déjà attaché à sa mère par l'expérience qu'il a eue de sa mère. C'est la partie anti-homme qui le rend déjà insécure. Et à partir de sa naissance, il y aura encore un laps de temps très minuscule où il y aura de l'incarnation de mémoire vierge d'enfant qui accepte le neuf, là, lorsque l'enfant est encore dans sa phase psychologique de découverte, tant que l'enfant n'a pas d'ego, donc tant qu'il n'est pas identifié à lui-même. Et à partir de cette identification qui varie selon les enfants anciens, ça va commencer autour de l'âge de 3 ans, l'enfant nouveau va commencer vers les 6 mois, et il y aura, à partir de l'identification, incarnation massive et presque radicale, ou presque exclusivement aussi, de mémoire d'êtres qui ont déjà habité sur cette planète Terre, donc des mémoires réincarnationnelles qui vont créer l'attachement psychologique et émotif de l'enfant au passé. Donc, il aura peur comme l'humain a toujours eu peur, il sera inquiet comme l'humain a toujours été inquiet, il croira comme l'humain a toujours cru, il sera frustré comme l'humain a toujours été frustrable, il aimera la violence comme l'humain a toujours aimé la violence, etc., etc., etc. C'est la partie anti-homme. Maintenant, l'expérience de la vie de cet enfant jusqu'à l'état d'adulte, en plus de se voir harcelé par la réincarnation massive de mémoire qui constitue le souvenir de l'involution, donc la cristallisation de l'anti-homme, il y aura en même temps collectivement l'expérience sociale, théologique comme morale, qui va aussi finaliser la cristallisation d'un anti-homme solide chez l'enfant, c'est-à-dire qu'il apprendra à l'école qu'il ne peut pas avoir raison sur l'adulte, il apprendra qu'en tant qu'adulte, il ne peut pas avoir raison sur la loi, et il apprendra frustration sur frustration que finalement il est un simple mortel, comme on aime souvent se le dire, qu'il est finalement minuscule, médium, petit, microscopique. Bon. Alors, c'est l'anti-homme. Tu dis que l'homme sécrète des hormones lorsqu'il est en colère et que lorsqu'il est chaste aussi. Est-ce que ce sont les mêmes types d'hormones? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu compliqué, le phénomène hormonal. J'en parle dans un volume qui va être publié possiblement en janvier, qui est de la naissance à la mort, ce tome 1. Comme dirait Jean-Pierre, c'est une plug, je ne sais pas où je suis connecté, là, enfin. Revenons à notre conférence. Il y a, premièrement, question d'hormones et question d'énergie vitale. Alors, je fais un exemple debout pour que ceux qui sont en arrière puissent voir aussi. Voilà. Ce papier est extrêmement brûlant. Il est chaud et brûlant, brûlant, brûlant. Brûlant d'actualité, mais enfin, bon. L'être humain a un système réflexe qui n'est pas hormonal. Et lorsque notre main vient toucher quelque chose d'extrêmement chaud et de brûlant, même si on le prend, immédiatement, il y a un influx qui vient jusqu'à notre colonne vertébrale, qui retourne vers nos membres, pour canceller l'ordre cérébral de contracter les doigts pour tenir la chose, canceller ça et donner l'ordre d'ouvrir pour lâcher. C'est brûlant. C'est un acte réflexe. Une fois que j'aurai lâché, mon cerveau sera mis au courant de la douleur parce que l'influx à partir de la colonne revient vers la main et chemine vers le cerveau. Maintenant, ce qui est intéressant de constater, ça c'est biologiquement, la médecine est d'accord avec ça, ils l'ont expérimenté avec des grenouilles, puis des singes, et puis des enfants qui avaient des malformations congénitales. Bon, maintenant, lorsque je reprends une chose extrêmement brûlante et que je viens pour l'échapper et il y a quelqu'un là, eh bien, je ne l'échappe pas. Cela veut dire qu'il y a un problème. Si l'influx réflexe va à la colonne et monte vers le cerveau, et qu'immédiatement l'ordre de rétractation, donc de lâcher l'objet, va vers ma main, il va arriver avant que le cerveau décode la douleur, décode le danger et donne l'ordre de tenir l'objet. Donc, normalement, je devrais faire le lâcher, de dire « Oups! » Bon. Certains font ça. Bon. Mais si on met un bébé et qu'on prend une mère qui prend son verre d'eau chaude ou sa tasse de café qui se brûle les mains, il y a fort à parier qu'elle ne l'échappera pas sur l'enfant. Elle va prendre son objet extrêmement chaud, elle va recevoir l'ordre réflexe, la main va recevoir l'ordre réflexe de le laisser tomber. Le cerveau reçoit l'information, il ne décode pas encore, mais l'interpréteur actionnel, qui est une partie du périsprit de l'âme, je saute des étapes, va envoyer un ordre d'énergie vitale. Les acupuncteurs le connaissent un peu, ils en connaissent au moins deux formes, yin et yang. Il y a l'ordre ominal aussi. Il envoie un ordre d'énergie vitale vers la main, et ça voyage un peu plus vite que le système nerveux. Ça voyage à 299 792,5 km à la seconde, on finit par le savoir. Et ça arrive au niveau de mes mains, et ça, tout ce que ça peut faire, c'est que ça vient atténuer la possibilité du réflexe de donner des ordres à mon système musculaire. Alors, je vais avoir une tendance à lâcher, mais je ne pourrai pas donner l'ordre total. Je vais récupérer parce que je vais juste annihiler l'ordre réflexe le temps qu'il faut pour que le cerveau puisse envoyer l'ordre de maintenir et de détourner l'action. Il y a donc, dans cette mécanicité, énormément de mécanicité vitale. Au niveau du système hormonal, c'est la même chose. Lorsque l'être humain sécrète des hormones, il y a des récepteurs spécifiques du point de vue biologique. Certains vont être adrénergiques, certains vont être cholinergiques. Il y en a qui vont réagir à différentes hormones, d'autres qui vont rester tout à fait plates devant certaines hormones. Mais il y a aussi la substance vitale. Le périsprit est celui qui transmet vibratoirement par le système hypothalamien, entre autres, l'expression de l'ego. Mais le périsprit est aussi de l'énergie vitale. La majorité du centre focalisé d'interpréteur actionnel est localisé au niveau du cerveau ou du centre coronarien. Mais le reste du périsprit appartient au corps physique. Donc, il y aura de temps en temps une sécrétion, disons, de catécholamines, disons, de certaines formes d'hormones surrénales, qui vont aller dans une région particulière du corps physique, et les récepteurs spécifiques à peine vont réagir, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas autant qu'ils vont réagir, ou ne réagiront pas, alors que dans une autre situation d'expression endocrinienne, ils vont réagir à plein. Parce qu'il y aura eu aussi, en premier lieu, expression vitale. Et une personne qui est en colère aura des sécrétions endocriniennes et une ordonnance vitale pour que certaines régions du corps réagissent en fonction de ces hormones selon un caractère type de la colère. Il y aura donc rougissement, il y aura dilatation des vaisseaux périphériques, il y aura accélération cardiaque, il y aura un paquet de phénomènes dans le genre. Tandis que l'autre qui reçoit la colère, bien, lui, il va peut-être puissant ses culottes, il va blanchir, enfin c'est l'inverse, il absorbe la colère. Si l'individu est chaste, il y a des sécrétions hormonales. Évidemment, il y a beaucoup moins de sécrétions hormonales lorsque l'individu chasse. Pourquoi? Parce que, bon, on va passer un peu sur un paquet de mécanicité, on n'en sortira pas ce soir. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'impression astrale dans le corps physique, donc l'ordre vital, est totalement différent. Donc, le corps n'est pas, du point de vue réactionnel, tout à fait le même. Alors, même s'il y a de l'adrénaline ou encore, disons, de l'endorphine sécrétée au niveau cérébral, dans un certain cas, il y aura une partie du cerveau qui va réagir, parce que vitalement, il aurait été stimulé alors qu'une autre partie aurait été, disons, relativement gelée. Et on peut expliquer atomiquement ce que j'ai dit cela. Là, ce serait encore un peu trop long, parce qu'il faudrait qu'on connaisse le phénomène des orbitales, le phénomène des constituants énergétiques qui est au niveau intra-atomique, ce qui constitue les électrons, comment ça circule, les paliers. Enfin, il y a plusieurs phénomènes qu'on pourrait expliquer pour justement prouver ce que je dis. Que ça dépend de la structure vitale. La structure vitale étant la structure intra-atomique qui constitue le corps physique. Donc, si un corps chimique, atomiquement, n'a pas la même consistance énergétique, il ne peut pas réagir de la même façon à un stimuli, À moins qu'il y ait un catalyseur pour venir altérer sa structure chimique, disons atomique en réalité. Alors, il y aura des dépolarisations qui se feront ou qui ne se feront pas. Il y aura une interprétation endocrinienne qui se fera ou qui ne se fera pas. Fait qu'une personne qui a une sécrétion endocrinienne reliée à une particularité de son expression astrale ne vit pas la même chose, la même substance événementielle que celui qui est en colère. Il m'arrive quelquefois d'avoir l'impression que le temps passe à travers moi. Par exemple, si je vais à Québec et que l'ego est impatient, à un autre niveau, j'ai l'impression que je n'ai qu'à rester sur place, attendre et laisser l'ego se débattre. Et lorsque suffisamment de temps aura traversé le lieu virtuel où je me trouve, je serai rendu à Québec. Parlez-moi de cette impression et de l'illusion et de la réalité du temps. Bon, on ne peut pas parler et de l'illusion et de la réalité du temps. Parce que c'est un ou l'autre. C'est sûr que dans la relativité, on peut s'amuser à parler d'une réalité illusoire. Ça va de soi. Tu me passes la feuille? Bon. Premièrement, la personne, elle a suffisamment de discernement, c'est-à-dire qu'elle a un déphasement mentalo-astral, c'est-à-dire qu'elle a la faculté d'observer ce que son astral fait, de ce que son âme fait, de ce que son ego fait. Donc, elle a la faculté mentale d'être observateur de la gestuelle de son ego. Le temps est une illusion. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est une quantité de matière. Lorsque l'être humain, dans son expression astrale, veut être impatient, nécessairement, plus on est impatient, plus ça prend de temps. C'est une loi astrale. Plus on est patient, moins ça prend de temps. Et plus on est impatient, plus ça en prend. Au niveau mental, le temps ne coule pas de la même façon. Alors, il y a des individus qui, de temps en temps, vont trouver que la journée est passée vite. D'autres vont trouver que la journée est passée lentement, alors que dans la matière, la journée est passée selon le même temps chronologique. L'individu vit dans un monde, dans plusieurs mondes parallèles, et selon la gustation d'un de ces mondes, elle vivra le découlement du temps. La personne ici, tout ce qu'elle a simplement, c'est qu'elle voit son ego s'impatienter. Il y a une mécanique présentement qui réflexe au niveau mental, donc une programmation mentale qu'elle a fait inconsciemment ou qu'elle a reçue du point de vue de sa structure neuronique et qui lui permet d'observer l'ego. Et toute la mécanique qu'elle explique là ici, je ne faut pas trop aller loin à l'intérieur de cela du point de vue de l'explication parce que la personne, elle est en train de comprendre, elle découvre, elle décode. Donc, à un moment donné, elle saura d'elle-même des choses que je n'ai même pas besoin de lui dire. Ce qu'on doit savoir, c'est que le temps étant une quantité de matière, plus il y aura d'attraction, plus il y aura d'énergie, plus il y aura de structures atomiques qui auront été énergifiées dans la structure même du corps de l'homme, plus le temps sera courbé autour de l'homme et plus l'espace sera courbé. Donc, plus l'être humain augmente sa masse, plus la structure temporelle, plus son temps vient vite. Et du point de vue mental, plus les choses sont rapides, même si du point de vue chronométrique planétaire, ça reste la même chose. Un être humain qui a suffisamment d'énergification, différence avec comparative à l'énergisation, c'est que l'énergisation est une augmentation, un survoltage temporaire d'énergie. L'énergification est une cellularisation de l'énergisation, donc ça nous reste et ça reste avec nous. Plus on est énergifié, plus notre masse énergétique grandit, plus le temps est en concordance, oui, avec ce que l'intelligence ou avec au minimum ce que le mental veut faire. Alors la personne, elle vit présentement la bipolarisation entre ce que l'ego vit au niveau du temps et ce que le mental vit au niveau du temps. En communiquant avec des entités, peut-on atteindre une liberté des émotions et vivre pour toujours? Bon, c'est sûr que si on boit juste du café, aucun problème de communiquer avec des entités. Ça, c'est évident. Maintenant, au bout du coup, tranquille, c'est une faune. Or, ceux qui sont contrôlés, n'est-ce pas les entités, sont des phénomènes qui ont une tendance malsaine à diriger l'homme, à s'immiscer à l'intérieur de la conscience astrale de l'homme, donc à l'intérieur de la conscience amique de l'homme. En communiquant avec les entités, peut-on atteindre une libération des émotions? Oui, si on finit par être totalement possédé à un point tel qu'on n'existe à peu près plus. Et vivre pour toujours? Non, ça, vivre pour toujours, de toute façon, on ne vivra jamais pour toujours. L'intelligence ne conçoit pas comme étant intelligent de laisser la vie vivre pour toujours. Ce qui constitue l'homme restera, ce qui est constitué changera. Vivre, on va vivre. On aura à un moment donné une libération totale de ces entités. Communiquer avec les entités, c'est un immense danger, parce que premièrement, l'entité est simplement une mémoire mortelle une mémoire mortuaire d'un individu qui un jour a vécu. L'individu de son vivant ne savait rien. Une fois mort, il ne sait pas plus. Par contre, il donne un peu, il a une saveur de ce que l'humain a besoin, puis il lui répond, un peu comme un astrologue ou un cartomancien plus précisément, est ajusté psychologiquement avec l'humain, il lui donne un peu ce que l'humain veut avoir. Si on a plusieurs entités, il faut qu'on sache déjà que chaque entité qui vient se relier à nous, nous parler, se connecter à nous autres, donner des petits conseils, vient nous têter en énergie le besoin de l'homme pour arriver à exprimer des choses. Ce qu'il veut exprimer, il ne peut pas émotivement le concevoir, alors il le fait vivre par un humain. L'humain sécrète hormonalement, sécrète vitalement, envoie une correspondance énergétique vers le monde de la mort par son système émotionnel, et là, l'entité s'en nourrit. Donc, une entité possède toujours l'humain lorsque l'humain fait cela. Vivre plus longtemps, ou disons, ne plus être mortel, en ce sens, ne plus être récupérable par le monde de la mort, c'est différent. C'est pour cela, ils font un double éthérique qui va se constituer lorsque nous allons nous anégoïser, lorsque l'ego va fondre. Et c'est une mécanicité supramentale, c'est des choses sur lesquelles on est revenu souvent et qu'on aborde énormément au niveau du séminaire. C'est une question qui est un peu longue à élaborer ici. On a fait plusieurs conférences sur l'âme ennemie de l'esprit, sur plusieurs choses comme ça. On peut se référer à la liste de cassettes, alors on aura quelques heures de réponse. Comment cesser d'accepter ce que tu ne peux changer alors qu'avec la contribution de 5 milliards de moutons, le cosmos a par rapport à moi une puissance astronomique? Si je suis seul à faire une grève cosmique et que le cosmos m'identifie comme adversaire, il va donc vouloir éliminer l'intelligence qui lui fait peur, déjà que l'intelligence se déplaît profondément de la Terre. C'est exact. La problématique, c'est que tous ceux qui ont commencé seuls à faire cette grève ont été tués. Ils ont eu la tête coupée, ils ont été crucifiés, ils sont passés au comptoir pour payer. Mais ils ont laissé tellement de traces dans l'astral, et l'humain a tellement béatifié ces traces, que maintenant, l'astral est plus sûr là, qu'il va vous éliminer si vous devenez intelligent, parce que ça sert trop contre lui. Alors, on a un avantage. Il y en a qui sont passés avant nous. Si je suis le seul à cesser d'accepter, ça va servir à quoi? Ça va servir qu'il y en aura au moins un sur la planète qui va refuser. Un qui refuse, c'est beaucoup plus puissant que 5000 qui acceptent. Alors, c'est évident qu'on est 5 milliards 230 millions d'humains sur la planète. Mais c'est pas grave, ça. Parce que chacun est relié à un égrégore différent. Alors, on élimine tous ceux-là pour l'instant. Et on se confine un peu à notre société, à nous autres. On est 6 millions. On est 22 millions, 23 millions. On est 275 millions si on additionne l'Amérique. Qui travaillent d'une façon différente. Dans des égrégores tellement différents qu'ils se heurtent les uns les autres de toute façon. L'Astral a toujours travaillé contre lui-même. Et l'avantage qu'on aura, nous, de dire non, c'est exactement comme si vous êtes dans une classe, que tout le monde est docile, il y a un seul énervé. Toute la classe est sous le derrière. Hein? Alors, on est tout seul, mais un qui dit non, c'est plus puissant que 5000 qui disent oui. C'est les moutons noirs, c'est ça, les moutons. On le voit, lui. Nécessairement, les forces astrales, les forces d'évolution, les forces théologiques, par le biais de l'humain, par le biais des entités, par tout ce qui est collectif, va s'arranger pour venir vous taper dessus. Eh oui, apprenez le judo, plantez-le. C'est pas grave, de toute façon, il y a des humains qui vont devoir passer par là, et puis depuis quelques années, les gens se font de moins en moins taper dessus, puis s'en sortent de plus en plus vite. Daniel, au sujet de la grève cosmique, ça veut dire vivre pour ne plus mourir en démolissant l'antihomme avec la discipline de mon mental et de se foutre de sa souffrance. Point d'interrogation. Pour éviter de devenir MTS, faut-il faire la tapette et rire dans sa barbe? Non, parce que ça serait compliqué. Ça serait ça la solution, mais toi les femmes, le problème qu'il y aurait. D'ailleurs, c'est une femme qui pose la question. On rire dans sa barbe, ça complique les choses. Pour éviter de devenir un martyr de la transition supramentale, faut-il faire la tapette et rire dans sa barbe? Non. Pour éviter de devenir un martyr de transition supramentale, tout ce qu'il faut, c'est être encore capable de parler avec les autres. Tout simple. Tout ce qu'il faut, c'est être capable de parler avec les autres. C'est juste ce qu'il faut. Et ça règle le problème. Comme ça, l'orgueil ne prend pas le dessus et on ne pense pas être supérieur à tout le monde alors qu'on a à peine touché à l'énergie supramentale. Au sujet de la grève cosmique, la première grève qu'on doit faire, c'est une grève contre le passé. Cesser d'accepter de nourrir le passé. Simple. Autrement dit, oublier. Oublier. Si l'humain... Oh, c'est sûr que l'astral, l'humain qui est bâti à 99% de mémoire, ne peut pas s'oublier comme ça. Mais le mental de continuer à refuser de se voir animé par le vomissement et la sable des mémoires dans notre tête. Quand on est jeune, le monde est en avant de nous autres et qu'on veut foncer. Quand on est plus âgé, on s'assagit. En réalité, on pourrit. Là, on ne veut plus se lancer en avant, on ne veut plus déménager. L'emploi, on ne veut plus en perdre, on ne veut plus... Et non, là, c'est le passé, on l'a en arrière, puis on commence à vivre avec. Et plus on est acculé vers ce qu'on appelle la vieillesse, plus on regarde en arrière pour ne pas parler du passé. Du bon vieux temps. Et c'est toujours un bon vieux qui parle du bon vieux temps. Hein? Mais c'est toujours quelqu'un qui croit. Le bon vieux temps, c'est quand il y avait la guerre. Le bon vieux temps, c'est ton passé, quelle que soit la merde que tu as mangé pendant cette étape. Et quand on est jeune, on ne peut pas regarder dans notre mémoire. Il n'y en a pas assez. On regarde dans l'avant, on fonce. Mais il faut qu'on reste jeune tout le temps. Il faut qu'on cesse de se rappeler. Simple. Oubliez même vos amis. De toute façon, si vous évoluez, ils vont vous oublier, eux autres. À CKVL, un auditeur a dit qu'on devrait ouvrir des suicidoires. Tout de suite, après, quelqu'un appelait pour dire que la seule raison pour laquelle il ne se tuait pas, c'était par peur de se manquer. Avec des suicidoires, les files d'attente seraient plus longues que chez De Giovanni. La vie de l'homme ne tient donc qu'à son contraire, la peur de se manquer. Comment l'homme peut-il ne pas voir qu'il est manipulé à vivre et à continuer à siffler comme si c'est lui qui choisissait de vivre? Ben, ça serait manipulé. Mais le suicidoire, si on l'ouvrirait, de toute façon, on ne l'ouvrira pas. Hein? Il n'y a aucun problème là. Mais en admettant que l'humain le ferait, il n'y aura pas de file d'attente pour aller au suicidoire. Ça ne vous en pas. Les gens n'aimeraient pas aller se montrer devant tout le monde comme qu'ils vont se suicider. Il y a tellement de problèmes dans l'humain que même si on lui permettrait de se suicider, de toute façon, j'ai déjà fait l'expérience. À l'époque où j'étais pour urgence santé, une personne qui voulait se suicider, ben, je lui ai demandé de ne pas se jeter en bas, de me laisser la pousser. J'avais toujours rêvé de tuer quelqu'un. Et puis, j'avais réellement la face de quelqu'un qui jouissait de tuer quelqu'un. Ah, il voulait plus se suicider, ah non, il voulait même pas que j'approche, mais pas, ah, Christy, non. Et puis finalement, il a eu assez peur que je le tue que... Alors, l'humain, non, c'est... C'est défendu à mort. Il n'y a aucune raison de vivre. Alors, sa raison de vivre était de faire chier tout le monde. Ah! Mais là, moi, je voulais le pousser. Là, il y avait une raison de vivre. En temps de guerre, ça ne se suicide pas. C'est en temps de paix. On s'ennuie à mourir. Pourquoi veux-tu, toi, absolument vivre? Qu'est-ce que tu trouves de tant à la vie que ça, à part ta famille? Comment survivrais-tu sans ta famille? Ma famille. Je n'ai pas ma famille, puis je ne vois pas pourquoi qu'on insiste sur ma famille, parce que finalement, je fais pas mal totalement ce que je veux, puis ma famille, elle fait aussi pas mal totalement ce qu'elle veut, puis on s'inquiète à peu près jamais les uns des autres. Pourquoi veux-tu, toi, absolument vivre? Je ne veux pas, moi, absolument vivre. Moi, absolument, je vis. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui régit l'organisation de la matière, de la géométrie d'une fleur, d'un flocon de neige, jusqu'au carrousel des planètes, des systèmes, des étoiles? La guerre, c'est ça qui régit ça. Il y a eu tellement de confrontations entre les différentes expressions d'énergie lorsque celles-ci ont atteint les mondes refroidis, en l'occurrence les extrémités des galaxies, dans l'extrémité des univers, dans l'extrémité du super-univers, au partout même de cette création, même s'il n'y a pas de jeu de coordonnées géospatiales, que toutes ces énergies se sont affrontées lorsque l'équilibre des forces a été instauré, ça a donné ce que nous connaissons. Nous sommes présentement en pleine guerre, totale. Et cette guerre étant relativement équilibrée, l'évolution de l'homme a tendance à déséquilibrer le phénomène, ce qui engendre des mouvements radicaux et très soubresauteux de temps en temps à travers la planète, à travers les plantes, à travers tout ce qui existe. C'est l'évolution de l'homme qui désarçonne un peu l'équilibre. Alors, il y a un équilibre tellement parfait que tout s'appuie sur soi et cet équilibre ne peut pas faire autrement, étant donné que ce n'est pas intentionnel, mais que c'est mécanique. C'est géométrique en ce sens que lorsque des forces complémentaires arrivent à s'appuyer, il y aura nécessairement une symétrie dans les deux côtés, ce qu'on appelle l'équilibre. De ce fait, tout ne peut faire autrement que d'être constitué à partir de bases géométriques. Voilà. Est-ce qu'une guerre serait à l'origine du Big Bang? Quand je parle de guerre, ce n'est pas une guerre intentionnelle en ce sens qu'on décide d'haïr quelqu'un ou enfin on est manipulé à haïr quelqu'un. C'est simplement que si on fait une explosion thermonucléaire, il y a une guerre dans la bombe nucléaire qui fait que le cercle va être parfait, mais totalement symétrique. Pourquoi? Parce que chaque particule atomique se frappant les unes sur les autres à la même vitesse, ça crée ce qu'on appelle la symétrie. Donc, ça crée la géométrie. Mais dans la bombe, pour créer ce cercle parfait, on n'a qu'à survoler les déserts qu'on a aux États-Unis en avion Puis on voit de temps en temps dans le désert des immenses cratères, mais circulaires, totales. C'est des essais nucléaires qu'on a faits là. Pour créer une géométrie aussi parfaite, il fallait qu'il y ait une guerre en force d'équilibre totale. Si dans l'explosion nucléaire, le foyer central de la bombe n'est pas parfait, il y aura une explosion dans un sens seulement, puis là, nécessairement, on n'a plus du tout le même effet qu'on va avoir. Alors, quand je parle de guerre, je parle d'une guerre pas juste au niveau humain, mais les colonnes qui sont ici dans la salle se luttent les unes contre les autres. Imaginez-vous que le plafond pousse pour descendre, puis que le plancher pousse pour monter. Comme c'est en équilibre, on est correct. Moi, je me lève et je m'en vais ici en arrière pour démontrer, n'est-ce pas? J'espère qu'il y a un mur. Il n'y a pas de mur. On va en trouver un. Voilà, il y a un mur. Le mur, présentement, il ne pousse pas vers moi, mais si je pousse vers lui, il pousse vers moi. Si vous prenez quelque chose, vous le placez, quelque chose de 20 livres, vous le mettez sur une table, immédiatement, instantanément, la table appuie 20 livres vers en haut, parce que sinon, elle descendrait. Si je mets 50 livres, elle doit immédiatement appliquer 50 livres vers en haut. Si je mets 100 livres et que la table ne puisse pas appliquer le 100 livres, elle descend. C'est ça la guerre. Tant qu'il y a un équilibre des forces, ça va. Et il y a des mécanicités qui permettent l'illusion de la matière. Le sol qui vous supporte présentement applique vers le haut exactement la force que vous appliquez vers le bas. Mais si vous sautez, pourquoi qu'il ne bouge pas? Faites-vous-en pas, il bouge. Mais la vitesse, la rapidité atomique avec laquelle les structures qui mécaniquement gèrent notre monde peuvent, lui permet à ce sol de se rééquilibrer, atomiquement il a bougé. Mais c'est tellement minime par rapport à ce qu'on peut percevoir, pense pas qu'il a bougé. Le tremplin va être un sol plus élastique, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas aussi rapidement. Alors, c'est ça une guerre. Présentement, on est assis sur notre chaise, puis la chaise ne s'écrase pas, ben, elle ne gronche pas au plafond, parce qu'il y a un équilibre des forces. À l'instant où on va se lever, elle cesse de pousser, sinon elle partirait elle aussi. Et c'est sûr que, physiquement, je décris la mécanique. Physiquement, aucun humain sur la planète Terre présentement, en tout cas, il n'y en a pas un qui s'est essayé dans la science, ne peut expliquer pourquoi, effectivement, la chaise ne décolle pas quand on saute de dessus, ou pourquoi elle ne s'écrase pas quand on s'assoit dessus. Mais ils sont tous d'accord pour dire que si on s'appuie sur un mur, le mur doit opposer à nous la même force qu'on oppose sur lui. Sinon, on rentre dans le mur. C'est ça la guerre. Et l'équilibre des forces engendre la symétrie. Quatre forces décrivent la matière. Interaction forte. Électromagnétisme. Interaction faible. Gravitation. La cinquième force dépendrait de la composition chimique des objets. Une sorte d'antigravitation. Explique. Premièrement, il y a 13 forces. Il y a aussi 13 dimensions. Et j'en ai déjà parlé dans des conférences spéciales de ce phénomène-là, mais là, expliquer ceci dans la période de questions, je... Est-ce qu'il y a un rapport entre les forces et les faisceaux? Bon, passe-moi la feuille. Premièrement, les quatre forces ici qui sont placées ici, on a des forces qui sont au niveau du noyau, qui sont absolument nucléaires, et ce sont des forces que l'astrophysique présentement, et la physique nucléaire reconnaît comme étant les quatre forces majeures. La gravitation, que vous connaissez tous, est la force la plus faible reconnue, parce que même si elle nous tient sur la planète Terre, si on s'éloigne un peu, elle n'a plus d'effet du tout, alors que la force nucléaire, en l'occurrence la force forte, qui est l'une des plus puissantes, fait en sorte que lorsque deux électrons se rapprochent, ou deux protons se rapprochent, on sait qu'ils se repulsent. S'ils s'approchent tellement proches les uns des autres, la force forte va les coller, et même s'il y a la répulsion, c'est plus assez fort. La gravité, c'est réellement pas grave, ça c'est l'une des dernières. Il existe plus que 5 forces, et on pourrait parler, c'est la composition chimique, en réalité, c'est la composition énergétique. Bon, c'est ça, ça m'intéresse énormément de décoller là-dedans, mais on n'en sortira pas. On va laisser là, si on finit le reste, ce qui ne devrait pas arriver, on pourra en reparler, mais... Tout le cosmos est-il une question de vitesse, densification et ça va de soi, c'est une question de déplacement. Avec, pour conséquence, la création. La création n'existe que parce qu'il y a des observateurs. La création n'existe pas, c'est une illusion. Du point de vue extra-créationnel, la création est réglée. J'ai déjà dit souvent que le rôle fondamental de l'homme, et c'est des fois accompli. Nous autres, on est créatures du temps, des véhicules qui se promènent là-dedans, qui nageons à contre et à courant. J'en ai parlé souvent. De toute façon, on va y revenir au niveau des faisceaux. Mais le phénomène même de la création est un phénomène d'illusion. Alors, à l'intérieur de la création, il y a la création, mais ce n'est pas prouvable. Il n'y a rien. Personne ne peut prouver qu'il est là. Comment peut-on hydrogéner le cerveau? Quelle est la meilleure façon d'exercer le cerveau pour que l'intelligence en devienne maître? Oui, bien, c'est ça. Je peux répondre à la question par palier, mais ça ne servira pas à grand-chose. Premièrement, comment hydrogéner le cerveau? Pour ceux qui ne savent pas, l'oxygène est un comburant, l'hydrogène est un carburant, et l'être humain a besoin d'énergie, et c'est l'hydrogène qui fournit la majorité de l'énergie au corps physique, ce n'est pas l'oxygène. L'oxygène sert à permettre la transformation, la consommation du carburant en énergie. L'hydrogène, par contre, pourrit le corps physique, elle détruit les cellules, elle le fait vieillir, etc. Vous avez juste à vous hyperventiler, à respirer énormément rapidement pendant un petit bout de temps. Vous allez avoir des étourdissements, des picotements, les lèvres vont venir mauves. Vous allez simplement avoir trop d'oxygène, de l'hyperventilation. Continuez comme ça, vous allez peut-être tomber dans les pommes ou sous le plancher, dépendant où c'est que vous êtes. Alors, la meilleure façon d'hydrogéner le cerveau, c'est de l'isométriser, c'est de le faire travailler, c'est de le menfiser. Il y a plusieurs façons de le faire, mais comme je vous dis, expliquer chacun les choses, ça sera un peu trop long ce soir. Pour ceux qui posent de grandes questions comme ça et qui peuvent à un moment donné être un peu déçus de la rapidité avec laquelle je réponds, je me dois de vous dire que je fais un séminaire justement pour répondre à ce genre de questions-là sans qu'il n'y ait plus de déception par la suite. Alors, c'est des très bonnes questions, celle-là, l'autre avant, celle-ci aussi. Meilleure façon d'exercer le cerveau pour que l'intelligence en devienne le maître. Premièrement, il y a une partie du cerveau qui est intuitif et une partie du cerveau qui est cartésien, avec un mélange un peu des deux. Si on prend notre main droite et qu'on écrit quelque chose sur une feuille, on voit ce qu'on a écrit. On transfère, on prend la main gauche et on écrit. Et si on est droitier, on va se rendre compte que c'est un enfant de 6-7 ans qui vient d'écrire là et ici que c'est nous. Donc, l'isométrisation cérébrale fait immensément partie de l'évolution de l'humain. Jusqu'au jour où vous allez avoir deux adultes du même âge à l'intérieur, eh bien là, il y aura déjà premièrement beaucoup moins d'obstination à l'intérieur de vous, d'obstination en ce qui concerne ce que vous désirez, ce que vous avez peur, si vous embarquez, si vous y allez, si vous n'y allez pas, parce qu'il n'y aura plus l'enfant qui vient toujours attaquer un peu la décision de l'adulte. Deuxièmement, vous pourrez aussi vous trouver un emploi comme secrétaire, parce que vous pourrez écrire deux lettres en même temps à deux individus différents. C'est très, extrêmement très utile. Bon. Et effectivement, c'est ce qu'on arrive à faire quand on a une isométrisation convenable. Alors, c'est une des façons, puis par la suite, il y aura lentement la germination d'un troisième cerveau. L'astrologie, faut-il y croire? Ben non, faut croire à rien. Même pas à moi, alors. Je dis, moi, c'est à l'astrologie. Tu as dit que rien ne pouvait traverser ici. Pourtant, ils réussissent à nous envoyer leurs déchets astrales et à nous influencer. Que voulais-tu dire? Parce que, c'est, je n'ai aucune idée de ce que je voulais dire. Ça dépend du contexte. Chose certaine, c'est que si rien traverse, il y a au moins des gens qui traversent la porte, puis ce qui amène, bien évidemment, c'est là. Comment tout le Québec a-t-il pu trembler, lui qui, en tant que terre blanche, est inébranlable et la terre la plus solide de la planète? Une autre question. Je vais répondre à une question à la fois. Premièrement, ce qui a tremblé, la majorité de ce qui a tremblé, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bouclier canadien ne peut pas vivre de tremblement de terre. En ce sens que la grande partie du bouclier canadien ne peut pas être l'épicentre. Il y a des failles. C'est évident que s'il y a un tremblement de terre dans la faille, c'est-à-dire où ce qui est Montréal, Québec, enfin les plaines du Saint-Laurent, et par la suite une partie de ce qui monte vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est extrêmement faible aussi, ou évidemment l'État de New York, le Vermont, etc., bien, s'il y a un tremblement de terre là-bas, c'est bien évident que la vibration, elle vient jusque chez nous. C'est sûr. L'avantage qu'il fasse froid ici, c'est que nos maisons sont bâties solides. Ça l'aide un peu. Mais il ne peut pas y avoir d'épicentre sismique sur le bouclier canadien. Mais c'est évident qu'il va vibrer, étant donné qu'il est extrêmement solide, qu'il va vibrer au tremblement de terre de nos voisins. Ça va de soi. À quoi sert que le Québécois vive des expérimentations de tremblement de terre actuellement? C'est pas le Québécois. C'est que le Québécois, il a toujours vécu au détriment des Canadiens et des Américains. Là, c'est un tremblement de terre américain. Là, c'est sûr. On le vit un peu, avec le libre-échange. Bon. Non, ça crée des sécrétions endocriniennes chez l'humain, ça prépare l'humain à se rendre compte qu'il y a des choses qui viennent, que le Québécois est extrêmement privilégié, puis il devrait cesser de chialer un peu, puis ça le fait vivre un petit peu, là. Il y a plein de monde qui est sorti sur le balcon aujourd'hui. Ah, évidemment, il y en a encore plein qui vont se plaindre qu'il y a des pannes de courant, puis que l'Hydro-Québec, c'est pas fiable, puis que c'est ci, puis que c'est ça. Alors qu'ailleurs, ils s'en plaignent pas, ils n'ont même pas de courant. Reb Klimrod, je ne sais pas si je prononce bien le mot, est-il mort? Parlez-moi de lui s'il est mort. Bon, j'aurais des mots pas très, très, très plaisants à dire sur cette deuxième question. Mais disons que la personne qui la pose, on verrait pas, je vais répondre pour elle, mais effectivement, il est mort. Oui, dans le sens réellement mortuaire du mot. Est-ce que Raël a réellement vu des extraterrestres? Mais oui! Mais non, pensez qu'un gars comme lui aurait prétendu en avoir vu s'il n'aurait pas vu? Parce que c'était réellement des extraterrestres. Ah, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est sur la question? Non. Ah bon, ben alors posons. Je suis un peu indifférent face à ce qui m'attend après la mort. Je considère que toutes les idées émises sont hypothétiques. Je vis ce que j'ai à vivre sans m'en faire outre mesure pour l'avenir et advienne que pourra. Suis-je perdu d'avance? De toute façon, ai-je le choix de faire autre chose, étant donné que je suis manipulé? Bon, manipulé, c'est aussi une théorie. Là. On se fie aux théories. De toute façon, la personne, elle est correcte. Il n'y a aucun problème là. Moi, quand je parle, j'amène des explications nouvelles sur le monde de la mort, sur ces phénomènes-là, comme les explications anciennes aussi qui ont été amenées. Ce n'est pas pour inquiéter les gens. C'est pour simplement instruire leur égo, prendre après, s'arranger aussi pour que l'égo puisse voir d'une façon neuve quelque chose. Parce que lorsque l'intelligence nous fait voir les faiblesses dans ce que nous avions appris, il faut apprendre quelque chose qui maintenant est en résonance avec notre intelligence. Sinon, il y a un déphasement total au niveau du mental et de l'ego, puis l'ego ne peut plus vivre. Il tue le corps physique pour regagner le monde de la mort, et c'est un suicide. Non, l'individu n'est pas perdu d'avance. On n'est jamais perdu d'avance, premièrement, surtout qu'on n'est même pas perdu. On peut ne pas savoir où nous sommes. Oh, ça se peut. On n'est pas perdu. On va tout arriver. Il n'y a pas de problème. L'eau aurait une mémoire. C'est un processus de haute dilution où il ne reste plus aucune molécule du produit actif. Il n'y a plus que de l'eau. Pourtant, les cellules réagissent. Donc, l'eau garderait en mémoire le message des molécules disparues. J'arrête deux secondes. L'eau est l'un des plus grands conducteurs d'énergie vitale. Donc, nécessairement, c'est un grand conducteur de mémoire. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les assemblées collectives spirituelles, on boit tous à la même coupe de façon à tous toucher au moins au liquide, de façon à pouvoir se collectiviser un petit peu plus. Qui dirige ou gouverne le monde de la mort et dans quel but? Bon. Ouais. Qui dirige et gouverne le monde de la mort et dans quel but? Le premier. Il y a énormément de hiérarchie au niveau du monde de la mort. Dans quel but? Il y a plusieurs buts. Il y a des plans dans les plans. C'est une réponse compliquée pour une question simple. Premièrement, le monde de la mort est le réservoir qui permet à l'humain de ne pas voir l'intelligence tant qu'il n'a pas la structure biologique suffisamment solide pour pouvoir voir l'intelligence sans exploser, sans mourir, sans sauter, sans brûler. Deuxièmement, le monde de la mort est ce qui permet à l'humain, tant qu'il n'a pas d'intelligence, de conserver dans la mémoire. Le monde de la mort, c'est le ciel. Le ciel, c'est l'atmosphère de notre planète ainsi que la planète Terre, c'est la matière qui mémorise, comme l'eau. Et ça permet à l'humain, qui n'a pas le contact avec son intelligence, de au moins minimum bénéficier de l'expérience événementielle de sa vie à travers le temps, donc à travers la préhistoire et l'histoire, ce qui engendre, veut pas, des égrégores, des dieux, des copies conformes de ce que l'humain était avant son effusion sur le plan planétaire. Le monde de la mort a aussi comme phénomène la capacité de conserver les mémoires amiques, les mémoires expérientielles des corps physiques lorsque ceux-ci meurent. Donc, l'âme gagne le monde de la mort. Le monde de la mort a aussi la possibilité de se réincarner, c'est-à-dire d'intégrer les corps physiques nouvellement arrivés, les nouveau-nés, et en même temps, les intégrant, cela permet aux nouveau-nés d'avoir une structure amique, une expérience planétaire, même si elle est diffuse parce que pluralitaire et fusionnée, une expérience planétaire qui lui permet de se servir d'une façon nouvelle de son corps physique, donc d'augmenter à travers le temps et la génétique, l'évolution, donc la solidification, l'énergification du corps physique, qui un jour pourra supporter la vision de l'intelligence. Le monde de la mort sert aussi de phénomène tampon, de masque qui permet de cacher l'évolution ascendante de l'homme de tous les phénomènes extraterrestres, donc ce qui est à l'extérieur du plan planétaire, parce qu'une grande partie de la hiérarchie cosmique cherche à trouver qui est ou quelle est ou sur quelle planète, dans quel monde existe présentement la seule structure matérielle qui puisse recevoir de l'intelligence de façon à venir la voler à l'homme. C'est d'ailleurs une des fonctions d'une grande partie des phénomènes extraterrestres. Le monde de la mort aussi sert de réservoir d'énergie, c'est-à-dire qu'étant donné que l'homme n'a pas présentement la capacité de se servir de toute l'énergie qu'il génère et que la planète Terre reçoit à travers le rayonnement cosmique, le monde de la mort sert émotivement de banque. Et c'est donc un endroit où on peut placer nos trésors. Lorsque l'être humain aura suffisamment de conscience, de solidifier, de solidité corporelle pour supporter de l'énergie, il va dissoudre le monde de la mort, comme d'ailleurs Jean de Patmos le prophétise, il n'y aura plus de monde de la mort, l'humain voudra se tuer, ne trouvera pas la mort, il n'y aura plus de monde de la mort. Et cela va permettre donc à l'humain de conserver dans ce masque et dans tout ce phénomène du monde de la mort, où il y a la souffrance et tout cela, suffisamment d'énergie codifiée dans l'émotion pour que lorsqu'il en aura besoin, il pourra l'absorber rapidement. Immédiatement, l'extérieur va voir d'où est la matière qu'il y a de l'intelligence, mais cette matière, l'homme sera tellement puissant parce qu'il l'aura absorbée qu'on ne pourra plus venir le ramasser, donc lui voler sa génétique. Et on peut en rajouter encore, plus on va s'éloigner. Qui contrôle le monde de la mort? Une grande partie du monde de la mort est contrôlée par Lazare. Et c'est pourquoi on dit aussi que ça arrive par Lazare. Est-ce qu'il faut faire des actions de volonté pour ouvrir la porte au supramental? Il faut être écœuré d'être écœuré. Est-ce que c'est de la volonté? Non. Comment concilier le changement de souffleuse et les responsabilités déjà contractées? Est-ce un acte de lâcheté que de fuir ses responsabilités? Bien souvent, fuir ses responsabilités est un acte de lâcheté et surmonter ses responsabilités est un acte de courage. Alors, ça dépend juste duquel bord vous allez fuir. Comment le cosmos va-t-il éliminer 6 milliards d'individus qui s'accrochent tant à la vie comme des chiens après leur os, c'est-à-dire avec toute la force de leur ignorance? Ah, mais le cosmos ne les éliminera pas, il y en a absolument besoin. Si les 6 milliards d'humains sont éliminés, le cosmos disparaît. C'est d'ailleurs ce qui va arriver aussi lorsque les 6 milliards d'humains vont devenir des êtres. Le cosmos va être fait. C'est le rôle de l'homme. Ça va donner un cosmos humain. Ben là, c'est cosmopolite, en tout cas. Rajeunir est impossible parce que le corps s'est digéré lui-même. Mais comme non, la pomme non, est une fois digérée, ne reviendra pas pomme. Il faudra donc que les plombages des dents décolle, que les cheveux repoussent, mais etc. Oui, voilà. Comment envisages-tu qu'un plombage décolle pour que la dent se refasse et qu'on rapetisse jusqu'à l'âge de 6 ans? J'en ai un ici. Non, j'ai pas de plombage. C'est... Parler d'impossibilité, moi je trouve ça génial. Juste le fait que vous soyez là, ça prouve tout. Oh, oui. Être capable de parler, de vivre, de penser, il y a un cœur qui pompe sans savoir ce qu'il fait là, qui marche, ça pousse du sang, on ramasse de l'oxygène, on est dedans, puis on parle d'impossibilité. Vous perdez un bras, est-ce qu'il peut repousser? Voyons alors, baignez-le, un bras qui pousse. Pourquoi le crabe est capable, lui? Ça. Mais ça se peut pas pour l'homme, ça se peut pour le crabe. Beaucoup d'animaux perdent leurs cornes, puis ça repousse. Il y a des serpents qui sont démontables. Ils ramassent par la queue, puis là, ils se coupent en deux, puis ils se poussent. Il y a des vers, le lombric, entre autres. On le coupe en deux, deux vers. On le coupe en trois vers. Oui, donc. L'homme, tu le coupes en deux un cadavre. Après ça, tu peux couper, ça reste des cadavres. C'est la première coupe qui est... Comment expliquer qu'un plombage tombe et que la dent revienne? Premièrement, si on rajoute des électrons, ou si on ôte des électrons dans la structure atomique du plomb, c'est plus du plomb. Ben, si on en a tout assez, on change suffisamment pour aller chercher l'uranium ou de l'or. Ça se fait scientifiquement aujourd'hui, mais ça coûte tellement cher que ça ne vaut pas la peine, on préfère les creuser. La transmutation de la matière, c'est quelque chose qui se peut, qui existe. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec une bombe thermonucléaire. On prend simplement certaines substances et puis on les fusionne ensemble. Si on prend de l'hydrogène, on en fait de l'hélium, ou etc. On change les substances. Mais ce n'est pas tout. Il y a des personnes âgées, mais évidemment, c'est toujours en Chine ou au Tibet ou quelque part en Russie, là, qui, à un moment donné, justement, ont des dents de lait qui recommencent à pousser à 80 quelques années. Mais ce que l'humain ne veut pas saisir, c'est que c'est absolument impossible que vous puissiez grandir, que vous puissiez être tout petit, alimenté avec du lait ou avec du pablum, des cochonneries dans le genre, lentement à voir vos os grandir, tout en harmonie, votre tête grandir en harmonie, votre cœur se développer en fonction, le sang, tout ça au complet se fait en harmonie, en bouffant de l'extérieur, qui n'a rien à voir, qui ne sait même pas ce qu'il doit faire chez vous. Tout ça au complet, on l'accepte parce qu'on l'a toujours vu. Et parce qu'on a toujours vu une pomme qui grandissait, qui tombait, qui pourrissait, mais la pomme, elle revient, la pomme. La pomme, elle fait un pommier, puis elle fait une pomme. Ah oui, oui, mais là, c'est pas pareil. C'est pareil, c'est juste parce qu'on est habitué de voir l'impossibilité comme ça. C'est juste pour ça qu'on dit que c'est impossible, ce qu'on n'a pas vu. Mais on doit cesser d'être orgueilleux au point de penser que tout ce qui est possible, on l'a vu. Même on ne l'explique pas. Il n'y a pas rien sur la planète présentement qui explique réellement une chose. Toutes les sciences ne font que décrire une chose. Elles ne l'expliquent pas. Alors, c'est exactement le même phénomène. Est-ce que j'ai besoin que le plombage tombe et que l'arbre pousse? Que le plombage devienne donc de l'ivoire tordu et qu'on en finisse? Ou que la dent tombe, elle peut tomber là-dedans. Puis à un moment donné, tiens, il y avait un autre dent qui sortait là. Pourquoi pas? Quand on est petit, on a une petite boîte. Petit mandibule inférieur et supérieur, ce qui fait que la nature a prévu de nous fournir des petites dents. Quand ça grandit trop, il y a plein d'espace là-dedans, les dents ont peur, ils tombent. Paf, paf, paf, paf, paf, il y en a d'autres qui sortent. Puis ça, ben ça, on dit c'est possible, c'est logique, ça. Ben oui, mais c'est trop ça que c'est fait. Réveillons-nous un peu. Il y a eu un temps où l'humain ne vivait pas assez longtemps pour avoir sa deuxième paire de dents. Quand l'humain a commencé à avoir des trous dans les dents, c'est qu'il mâchait autant avec ses gencives qu'avec ses dents. Lentement, il y a une autre paire de dents qui est apparue. L'humain ne s'est pas dit, ben voyons donc, tu sais, c'est. Non. Tout est impossible. Quand vous regardez la Lune, savez-vous combien de milliards, de milliards de tonnes qui est pendu là, qui flotte? Non, on a l'impression que c'est la Lune. On n'a pas l'impression que c'est pesant. Parce que, voyons donc, c'est la Lune. Qu'est-ce que tu as, soir, regarder ça de même? Ben, je me rends compte, ton rieux, que c'était de la Terre. Que c'était milliards, des milliards de tonnes, puis que ça tenait là-bas tout seul. Non, non, non, on la revient sur la Terre, là. C'est la Lune. Faire bien attention, parce que notre conscience est extrêmement limitée à notre expérience. Parce qu'on n'a pas expérimenté d'autres choses, on ne peut pas y croire. Croyons-y pas! Sachons que ça se peut. Vous êtes là, puis vous refusez de croire le reste. Ben, c'est correct. C'est ça. Nous avons le choix entre deux chemins. Le bon et le mauvais. Ne sommes-nous pas déterminés à prendre un chemin plutôt que l'autre? Non. Si j'ai bien compris, le contact avec l'intelligence se fait lorsque nous sommes vibratoirement prêts à le vivre et que nous serons vibratoirement prêts lorsque l'ego aura été digéré. Non. Est-ce juste de l'exprimer ici? Ben oui et non. Tu me passes le papier. Premièrement, le contact avec l'intelligence. Premièrement, l'humain. Globalement, il y a X milliards d'humains qui devront vivre telle condition, puis il y en a quelques-uns qui ne la vivront pas. Ce n'est pas déterminé qui va faire quoi, mais le nombre est plus ou moins convenable de façon à maintenir l'harmonie, pas qu'il y ait un déséquilibre des forces trop grandiose. L'intelligence, il n'en faut pas beaucoup pour déséquilibrer l'intelligence. Donc, il y aura des milliards d'humains d'un bord, puis quelques-uns de l'autre côté. Pendant un laps de temps, jusqu'à temps que par réincarnation fusionnelle et pluralitoire, que toute l'humanité se ramasse dans 144 000 quelques corps physiques. L'intelligence, c'est elle qui se dirige vers l'homme. L'homme ne se dirige pas vers l'intelligence. Si vous pouvez accepter du neuf, si vous pouvez supporter ce que je dis, et ce que d'autres disent, qui sont neufs, qui sont logiques, intelligents. Pas question de croire. Pas question de croire. L'humain, tout ce qu'il a à faire, c'est d'ouvrir les yeux puis d'observer. Ici, il y a des atomes contenus dans des atomes. On appelle cela de l'eau contenue dans un verre. Un verre qui, à l'origine, était de la matière sablonneuse, possiblement. Regardez ce qu'on a fait avec. On continue à croire qu'on ne peut pas jouer avec la matière. Là, on va dire, non, c'est pas pareil, c'est parce qu'on a fait fondre, on a mis des substances dedans pour ceci, cela, etc., etc. Mais voyons donc, quelle farce! Quelle farce! Pourquoi? Dites-moi, pourquoi j'ai... Dis-moi là, pourquoi, Marie, tu veux le savoir, là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, lorsque on prend de la limaille de fer et qu'on la lance dans le feu, ça brûle, comme pour les sorciers? Puis quand on lance de la limaille de cuivre, ça brûle pas pareil, pas la même couleur. Pourquoi? C'est pas la même structure atomique. Ça explique. Ah oui, ça explique. Ça explique que quand je mets tel ingrédient, je fais un gâteau, puis tel ingrédient, je fais une autre chose. Mais pourquoi l'ingrédient que je mets donne tel résultat? C'est ça qui est l'affaire. C'est qu'à l'instant où l'homme a eu besoin d'une substance chimique pour baisser la température de fusion de la silice, en l'occurrence le carbonate de calcium, eh bien, ça a marché. Et maintenant, on sait que cette substance chimique fait ça. Oui, mais pourquoi cette substance chimique le fait? À cause des atomes? Non, les théologies disent, bien, c'est Dieu qui a mis ces outils-là pour que l'homme s'en serve. Puis l'homme apprend un jour à se servir des bons bonnes places. C'est faux! On a pris n'importe quoi, puis parce que quand on en a eu besoin, on en a eu besoin, c'est devenu l'outil qui faisait l'affaire, c'est tout! Et parce qu'on est archétypalement, mémoriellement planté là-dessus, bien, ça ne change pas! Mais tout n'aurait pas pu faire l'affaire. Oui! Oui, tout! Tout! Tout! Tout. La première fois que... Bon, quand le premier Indien est allé là, chercher de l'écorce de bouleau, la deuxième écorce de bouleau pour guérir son scorbut, il n'a pas fait tous les écorces qu'il y avait sur sa planète ou sur son territoire au niveau des arbres. Il n'a pas essayé l'if du Canada, puis il est mort empoisonné. Mais il y en a un autre qui est venu, il l'a trouvé mort, puis il n'a pas su pourquoi. Là, il a essayé la manie de phalloïde pour se guérir de ça, puis il est mort lui avec. Non! Il y a tellement de plantes. Il a essayé un arbre. Il était guidé. Il a ouvert l'écorce, il a essayé un arbre. Puis cet arbre-là est devenu antiscorbutique. C'est tout! Quand Christophe Colomb est arrivé ici, il était chrétien. Il ne croyait plus à rien à part à Dieu. Tout le monde perdait les dents. Bon. Puis c'est les Indiens qui l'ont sauvé. Ceux qui croyaient à Manitou. Parce que les chrétiens n'étaient pas capables de savoir quel arbre il fallait guérir. Ils ne croyaient plus à ça, ils croyaient à la médecine. Le blanc aurait pu arriver ici puis goûter à n'importe quelle autre cochonnerie puis découvrir un deuxième truc que la propriété antiscorbutique. Puis là, aujourd'hui, on aurait fait des analyses chimiques puis on s'est rendu compte que finalement, bien, il y a telle substance qui, évidemment, donne ça. Mais pourquoi la substance a fait ça? Simplement parce qu'un jour, on l'a laissé faire ça. Simple. Est-ce que c'est comme ça qu'on va guérir le sida? Ah oui, c'est évident. Quand on va avoir décidé qu'on a assez charrié, qu'on a assez souffert avec le sida, on va trouver la substance, c'est-à-dire qu'on va permettre à une substance de guérir le sida. Qui décide qu'on a assez souffert? L'humain. La collectivité. Ceux qui souffrent. Ceux qui cherchent. Parce que c'est méritoire l'évolution de l'animal humain. Méritoire. Tu peux pas arriver le jour au lendemain et dire, bon, ben tiens, chnic, ça guérit le sida. Mais non! Premièrement, tu as l'humanité au complet sous le dos. Toute la science, la théologie, tout ce que tu voudras. Puis en plus, si ça guérit, mais c'est encore bien pire, tu pourras pas vivre. Non, puis en plus, il n'y a pas un égo qui peut supporter d'avoir ça de même, il va se missionner tout de suite, il va dire « crime Dieu, passe par moi ». Alors, qu'est-ce qu'il fait l'humain? L'humain, il se dit « 10 ans de travail, d'arrache-pied, là, ça c'est méritoire. » Là, il travaille pour rien. Puis là, il laisse passer du temps en arrière de lui. Puis quand là, il vient de décider que là, ça faisait assez, il n'y a plus d'argent, là, il le trouvait, c'est ça. L'insuline, la pénicilline, Trim, il a fallu qu'on aille de la piste de jument enceinte, à un moment donné, pour guérir l'humain du diabète. Bon, aujourd'hui, on la synthétise. Pas les juments, l'insuline. Mais n'empêche, c'est ça. Alors, quand on va décider que c'est ça, ça va être ça. Présentement, c'est collectivement. C'est sûr qu'un individu dans la salle qui décide ce soir en sortant, qui n'a pas besoin d'automobile, qui peut se téléporter chez lui, ça ne marchera pas. Pourquoi? Pas parce que ça se peut pas. C'est parce que sa conscience est totalement reliée au collectivisme de la société. La société le refusait. Lui, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que lui, il est un individu dans un immense bassin. 1% dit « je peux », 99% dit « va te coucher ». Pas. Faut que l'humain devienne individuel dans sa conscience. Individuel veut dire que si tout le monde te dit que t'es con, tu dis « ben oui, je suis con, je suis comme ça bon. ». Ça te dérange plus. La vie change. Est-ce qu'il est possible de construire rapidement un contexte libérant l'homme et permettant justement d'être un inventaire spontané? Non. On voudrait bien, mais c'est impossible. Ça va venir lorsqu'il y aura suffisamment d'archétypes détruits. Et normalement, l'animal humain devra faire la guerre pour faire ces genres de choses. Même à une petite échelle d'individus? Pas sur la planète Terre. Alors, sur un autre monde matériel, ça peut être possible s'il n'y a pas d'humain qui est passé là avant, ou simplement s'il y a peut-être qu'il va y avoir un apocalypse intéressant. Et là, il y aura suffisamment de purge dans l'archétype pour permettre à des êtres humains là, de se retirer, puis possiblement de changer le monde. Leur monde. Bon, un exemple, tu es un espion, tu rentres dans leur structure pendant l'apocalypse, là, ça dure une cinquantaine d'années, puis là, tu vois qu'ils ont des automobiles, tu viens pour prendre un automobile, puis tu vois qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas rien, puis tu ouvres le capot pour voir quel moteur qu'il y a, même pas de moteur, ça marche pareil. Bon, ça, c'est possible. On est resté, regardez tout ce qu'on a fait sur la planète Terre, tout est copié sur ce qu'on a vu. Les avions sont copiés sur les oiseaux. Le corps physique a besoin d'aliments, les animaux mangent. Alors, nos automobiles mangent, c'est de l'essence, les avions mangent du kérosène, c'était du charbon avant. Tout est basé en fonction de nos archétypes, de ce qu'on connaît. C'est pourquoi qu'on pense que le monde est fait comme ça. On est rendu au sous-marin nucléaire. Lentement, on finit par accepter de nouvelles sources d'énergie. L'énergie solaire, l'énergie d'éole, le vent. Et on commence à accepter. Puis encore là, c'est toujours en fonction d'un prototype de vision qui est très réellement archaïque. C'est un prototype de vision qui a toujours été le même. On a besoin d'une source d'énergie pour faire bouger quelque chose, puis cette source d'énergie-là devra nécessairement s'épuiser. Alors qu'astrophysiquement, ça ne marche pas. Lorsqu'un soleil a tout consumé ce qu'il y avait, ou il devient un trou noir, ou il devient une supernova et il explose. Mais à travers quelques milliards d'années, les poussières solaires vont finir par s'attirer et recréer un soleil. Donc, l'énergie ne s'épuise pas. Nous l'épuisons parce que nous la visualisons, nous la consommons avec un concept que ça s'épuise. Égoïquement, on se disait, bof, il y en a en masse. Ça ne voulait pas dire que c'était inépuisable dans le sens que le pétrole brûlé restait du pétrole. Non, ce qu'on pensait, nous autres, c'est que la planète Terre, que tout le centre de la Terre était rien que du pétrole. Puis on pensait qu'il y a des fossiles qui mouraient en masse, dans des pays sous-développés, là, ils se tuaient en masse, créaient du fossile, ça faisait du pétrole. Bon, puis là, on se rend compte que les nappes de pétrole se tarissent. Mais la problématique, c'est pas ça. Si je prends du gaz carbonique, je suis capable, avec du gaz carbonique, en tripotant sa structure atomique, de créer de l'énergie. Mais en brûlant le pétrole, j'en fais du gaz carbonique. Puis le gaz carbonique, prenons l'exemple simplement de l'humain puis de la plante. Moi, je respire, je rejette du gaz carbonique. La plante, elle respire le gaz, elle rejette de l'oxygène. Je prends l'oxygène, je mets du gaz carbonique. Si on s'amuse comme ça, c'est où la perte de l'énergie? Mais dans la consommation, dans la conception consommatrice de l'homme, ça se dégrade l'énergie. Et c'est faux. Et nécessairement, toute notre structure est basée là-dessus. La journée qu'on voudra régler une chose, la chose se réglera, on aura l'outil pour la régler. Il n'y a jamais eu de problème qui n'a pas été réglé. Mais il a fallu qu'on décide de le régler. Tout. Oh, y a le plombage, hein? C'était l'autre question. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est qu'il faut juste se laisser... C'est pas question de croire, cessons de croire, cessons de croire que ça se peut pas. Les jouissances que l'homme se donne renforcent les mécanismes du cosmos. En prenant son autonomie en main, il affaiblit les mécanismes du cosmos ou le monde de la mort. Oui. Mais quel agrément y a-t-il à vivre? Pour l'ego, plus rien. Plus rien. Sauf que la semaine prochaine, on parle du sentiment, c'est ce qui va arriver. C'est que quand il n'y a plus d'émotion chez l'homme, ben, l'ego se dit, ben oui, mais s'il n'y a plus d'émotion... On vient la semaine prochaine. C'est ça qu'on veut. Non, c'est le sentiment. C'est quelque chose qui n'est pas décodable tellement. Oh, on va en parler. Après une heure, on va finir par comprendre un peu l'idée même du sentiment, mais l'ego ne peut pas comprendre le sentiment. L'ego est émotif. L'ego s'accapare et veut conserver. C'est comme de dire, oui, mais une journée, j'ai eu du bonheur. Je l'ai gardé en moi. Comment puis-je en avoir si je ne le garde pas en moi? Avant que tu l'ailles, tu l'as eu. Maintenant que tu en as, tu compares tellement que même le bonheur que tu as dans la face, tu ne le vois même plus. Alors, c'est une problématique. De toute façon, on va revenir sur le domaine du sentiment. C'est de cette façon-là que l'humain va retrouver une nouvelle forme de jouissance où tout ce qu'il va accumuler le pousse à grimper différemment de ce qui est présentement, ce qui accumule, le retient. Puis, quand on fait la transition justement entre le phénomène de l'émotion et du sentiment, bien, on a une vibration qui est nourrissante, comparativement à une vibration qui est endormante. C'est ce qu'on va faire.